مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة، مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة. آهن آهن أخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي، وقلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. متن الأجرومية، الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي المعروف بن أجر الروم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. متن الأجرومية. كور ديسبنسي بار أبو يوسف عبد الله العاجي. باب الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم واكتفى، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، فإن شاء الله نواصل تمام في الدرس الآتي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأفعال. فبعد أن ذكر أو عرفنا المؤلف رحمه الله تعالى ما هو باب الإعراب، ما هو الإعراب، وقبل ذلك ما هو مجموع الكلام ومجموع الكلام ومعرفة علامة الإعراب، ذكر ها هنا المؤلف رحمه الله تعالى باب الأفعال. والفعل في اللغة العربية dans la langue arabe تم dans le sens linguistique، الفعل بمعنى الحدث، تم الحدث، يعني مثلا ضرب سان حدث تم، وكذلك كسر سان حدث تم، سين شوز سين اكشن تم سين اكشن. وفي الاصطلاح استدعي عند علماء النحو، الفعل هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بإحدى الأزمنة الثلاثة، هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بإحدى الأزمنة الثلاثة. ما دل على معنى في نفسه c'est que le fi'l تم، comme on fait pour le connaître c'est la chose qui indique un sens en lui-même، واقترن تم ذلك المعنى في نفسه بإحدى الأزمنة الثلاثة. الأزمنة الثلاثة سي الماضي الحال والاستقبال، le passé le présent et le futur. فقلنا ما دل على معنى في نفسه، مثلا الفعل كسر، تم الفعل كسر يدل على إيش؟ على معنى في نفسه وهو الكسر، le fait de casser une chose. وقترنا هذا المعنى بإحدى الأزمنة الثلاثة. lorsqu'on dit كسر تم دل على الكسر في الماضي، يعني qu'il y a une chose qui a été cassée dans le passé. تم مثلا si jamais on dit يكسر تم دل على الكسر في الحال أو الاستقبال. si jamais مثلا je dis سيكسر تم سوف يكسر كذا وكذا، هذا دل على إيش؟ على معنى في نفسه وهو الكسر في المستقبل. فالفعل وما دل على معنى في نفسه الى المعنى لمم اس معنى لا نبل كو الحدث تم سي المصدر كي كونتينو دون الفعل تم تو فعل الى مصدر تم تو فعل المتصرف الى كي تم الى مصدر تمام. مثلا ضرب سي كو سون مصدر سي كو سون حدث ضرب، فعل سي كو سون حدث سي كو سون المعنى في نفسه فعل تم الى اخره، كسر كسر الى اخره. هذا المصدر on appelle كذلك الحدث تم، on appelle كذلك الحدث والمعنى الذي دل عليه الفعل في نفسه. واقترن ذلك بإحدى الأزمنة الثلاثة الذي قلنا الماضي الحال والاستقبال من شئت قلت المستقبل. Donc ça c'est quoi le fi'l. Donc il a deux choses. Il a un hadath et يدل على شيء في إحدى هذه الأزمنة. فهذا هو الفعل. تمام. فقال رحمه الله تعالى الأفعال ثلاثة. نعم الأفعال تنقسم إلى ثلاثة لا رابعة لها. تمام. On peut pas trouver dans la langue arabe, il y a pas quatre catégories de verbes. Ils sont au nombre de trois. تمام. Comme il va les citer رحمه الله تعالى. قال الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ضرب pour الماضي يضرب pour المضارع والضرب pour الأمر. فقال رحمه الله تعالى الأفعال ثلاثة. قال ماض تم الأول بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالماضي. ما هو الماضي؟ الماضي هو ما دل على حدث قبل زمن التكلم وقبل تاء التأنيث الساكنة. الماضي سيكوا سمدل على حدث تم ما دل على معنى في نفسه بس كسيكوا يفي بحث دفع دوك إلى المعنى في نفسه. هذا معنى لا اقترنا بإحدى الأزمنة الثلاثة وهو الماضي. تم الماضي ما دل على حدث قبل زمن التكلم. هذه la chose qu'on est en train d'évoquer elle est survenue avant qu'on ait parlé. قبل زمن التكلم مثلا أوحى الله إلى محمد القرآن. أوحى الله إلى محمد القرآن. الإيحاء c'est-à-dire la révélation. أوحى ce verbe-là. Quand est-ce que cette action-là est survenue? Est-ce que c'est au moment où on a parlé ou bien après qu'on ait parlé que ça va survenir cette action-là ou bien qabala? C'est qabala. Parce qu'on a dit quoi? أوحى. Ce fi'l-là يدل على حدث qui est l'إيحاء le fait de révéler dans le ماضي. Comme on a dit الماضي ما دل على حدث على معنى في نفسه قبل زمن التكلم وقبل تأنيث الساكنة. Et une des halama pour le reconnaître, c'est comme on a pu le voir dans le début, il accepte le ta-ta-anith al-sakina. مثلا, tu dis, daraba, darabat. Le fait que le ta-ta-anith al-sakina est rentré dans ce fi'l-là, ça nous prouve que c'est quoi? C'est un fi'l mardi. Pourquoi? Parce que le ta-ta-anith al-sakina, il ne rentre que dans le fi'l qui est quoi? Mardi. Tu ne trouveras jamais dans le mudari' wa kadalika, là dans l'amr. C'est un halama qui est quoi? Khas li al-fi'l al-mardi. Donc on répète الفعل الماضي هو ما دل على حدث على معنى في نفسه ما معنى الحدث على معنى في نفسه قبل زمان التكلم وقبل تاء تأنيث الساكنة. Et c'est celui qui accepte le تاء تأنيث الساكنة. Pourquoi ils ont ramené رحمهم الله ce قيد là de dire قبل تاء تأنيث الساكنة؟ Parce qu'on va voir t'as des fi'ls qui sont quoi? Qui sont مضارع qui sont mudari' dans le lafz, lakin dans le ma'na, c'est le ma'adhi. مثلا, si jamais je rentre l'am dans un fi'l mudari', ce sera bi ma'na ish, al-ma'adhi. مثلا, si je dis, lam atlub al-ilm inda mubtari', yani qabla dhalika. Je suis en train de parler d'une chose qui est survenue avant que je suis en train de parler, à ce moment-là. Donc là, lorsque je dis, lam atlub al-ilm inda mubtari', ay qabla zaman atakallum, yani fil hal. À l'instant, je suis en train de parler d'une chose, évoquer une chose qui est survenue avant que j'ai prononcé cette parole-là. Lakin là, c'est quoi? C'est un fi'l mudari'. Lakin fi lafz, la fi ma'na. C'est pour ça qu'ils ont dit quoi? Le ta' ta'nif as-sakina afin d'exclure les fi'l mudari' dans le lafz, lakin qu'ils ont le ma'na quoi? Du ma'ri. Parce que si jamais on n'aurait pas mis cette dernière qaïd afin d'avoir une définition qui est propre et bonne pour le fi'l al-ma'ri, si on serait juste contenté de dire madalla ala hadathin qabla zaman atakallum, ça aurait englobé ce genre de fi'l là comme le mudari' qui a quoi? Le mudari' yani fi lafz la wala isa fi ma'na, tamam? Ce genre de fi'l là comme on a pu l'évoquer avec qui va rentrer l'am مثلا, et ben c'est plus un fi'l mudari' lakin il est madi fi al ma'na. C'est pour ça qu'ils ont ramené ce ta'nis sakina afin d'exclure les verbes qui ont le sens du madi mais lakin qu'ils ont quoi? Le lafz du mudari'. C'est pour ça qu'ils ont dit madalla ala hadathin qabla zaman takallum wa qabla ta ta'nis as-sakinah. Donc c'est important de ramener cette définition là comme ils l'ont évoqué, rahimahumullah. Donc ça c'est le fi'l al-madi. Kullu madalla ala hadathin qabla zaman takallum wa qabla ya ta ta'nis as-sakinah yani tahkum alayhi ana wash fi'l madi. قال ومضارع. المضارع تام في اللغة يعني بمعنى المشابه تام celui qui a une ressemblance. Pourquoi il est appelé comme ça? Parce que المضارع en lui-même تمام c'est un fi'l qui peut ramener un sens au plutôt يعني qui peut englober le sens du présent comme le sens du futur. تام مثلا si je dis أطلب العلم تام le fait que tu dises أطلب العلم تام ça peut être يعني بعد تام زمن التكلم c'est-à-dire بعيدا juste un peu après ou bien au moment où je suis en train de parler. Et ils disent le fi'l al-mudari, tu ne peux pas juger de ce fi'l-là, de l'action, est-ce que c'est le mustaqbal ou bien c'est le présent, excepté si c'est un qarina. Si jamais tu as un indice qui te montre que c'est utilisé pour le présent ou bien utilisé pour le mustaqbal. Maintenant, si je dis atlub al-ilm al-an, يعني معنى ذلك ففي الحال. إذا قلت atlub al-ilm غدًا بمعنى في الاستقبال. Là, on a une qarina. La première qui est al-an. Qui nous montre que c'est actuellement, donc c'est le présent. La deuxième qui est raden, qui nous montre que c'est quoi? Après, ou mathalan, si jamais je dis saufa, atlub al-ilm, saufa, comme on a pu voir, c'est harf tanfis. Il a pour, comme on s'appelle, pour emploi de donner cette notion-là de futur dans le fi'l al-mudari. Donc si on a un indice qui nous montre que c'est soit le présent ou bien soit le futur, on dira que c'est quoi? C'est le hal ou bien c'est quoi? Al-mustaqbal. C'est pour ça qu'ils ont appelé al-mudari, mudari'an, parce que c'est quoi? Mushabah. Sa forme en elle-même elle peut être utilisée pour le présent comme pour le mudari, c'est pour ça qu'il y en a pour le je veux dire le mustaqbal, c'est pour ça qu'on appelle quoi fi'lul mudari. Si on veut donner une définition propre au fi'l mudari, on dira quoi al fi'lul mudari tamma dalla ala hadathin fi ihda n'am fi ahadi zamani al hal wal istiqbal ma dalla ala hadathin ay c'est celui qui va apporter une action, il va apporter le sens d'une action qui s'est déroulé dans un des deux temps, soit le hal, le présent, ou bien soit al-istiqbal. Wa qabila lam al-jazima, lam al-jazima. Pourquoi? Parce que lam al-jazima, c'est une halama qui est khas pour le fi'l. À chaque fois, ils évoquent la définition, et aussi, kadhalika, la halama, afin d'exclure les genres de fi'l. Comme, mathalan, si jamais tu rentres, barakallahu fikum, si jamais tu rentres ida, tam, ida dans un fi'l madi, il va devenir, ça sera madi dans le lafz, lakin mudari', tam, dans le ma'na. Tam, hal ou bien istiqbal dans le ma'na. Mathalan, si jamais je dis, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ida ja'a ramadan, futihat abwabul janna, wa ghulliqat abwabul nar. Tam, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Ida ja'a ramadan. Tam, il a utilisé quoi? Le verbe ja'a. Dia ma'rouf, c'est pourquoi le mardi, c'est pour le mardi. Lakin a dit quoi? Ida ja'a ramadan. C'est quoi le sens? Lorsque ramadan viendra, lorsque vient ramadan, les portes du paradis s'ouvrent et celles de l'enfer se ferment. Donc là, ja'a, c'est dit, l'offre del mardi, lakin bima'naish, bima'na l'istiqbal. Parce que c'est pas une chose qui s'est déroulée avant qu'on parle. Cette action-là, elle va se dérouler dans le futur. Ida ja'a ramadan. Ma ja'a ramadan, il n'est pas encore venu. Lakin lorsqu'il va venir, les portes de l'enfer ils se ferment mais celles du paradis elles s'ouvrent. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois il ramène quoi une halama qui est khas afin d'exclure les genres de verbes qui auront le sens du mudari', c'est-à-dire soit le hal ou bien l'istiqbal. Lakin le lafz il est quoi مثلا ماضي comme j'ai pu vous l'évoquer. Donc on répète la définition du fi'l al-mudari' huwa ma dalla ala hadathin, c'est celui qui indique une action fi ahadi zamani imma fi al-hal ou al-istiqbal wa qabila al-lam al-jazima. C'est celui qui apporte, c'est celui qui va indiquer une action qui va se dérouler soit dans le présent ou bien soit dans le futur, selon la qarina comme on a pu l'évoquer, et qui accepte quoi? Le lam al-jazima. Lam al-jazima, il ne peut que rentrer dans quoi? Al-fi'l al-mudari'. Tu ne peux pas trouver lam al-jazima dans le fi'l al-amr, wa kazalika, là dans le fi'l al-mardi. Kazalika, comme on a pu le voir avec ta'atanis al-sakina. Elle ne rentre que dans quoi? Que dans le mardi. Kazalika, lam al-jazima. Elle ne rentre que dans quoi? Que dans le fi'l al-mudari'. Donc ça c'est la définition du fi'l al-mudari'. Qala rahimahullah ta'ala, il a dit كذلك الامر تام وامر والامر معرف يعني الامر الطلب تام سي une demande تام في اللغه تام في اللغه ما في الاصول c'est une chose à part تام comme on a pu le voir avec certaines des personnes qui nous suivent تام donc الامر لغه c'est une demande تام طلب اما عند النحاة c'est-à-dire في الاصطلاح الامر هو ما دل على طلب وقبل يا المخاطبة تام ما دل على طلب وَقَبِلَا يَا الْمُخَاطَبَةِ. C'est celui qui va apporter le sens de la demande. مَدَلَّ عَلَى طَلَبٍ. le sens de la demande. وقابل يا المخاطبة. Et c'est celui qui va accepter quoi? يا المخاطبة. مثلا si j'ai demandé, مثلا اطلب العلم. اطلب العلم. C'est un fi'l ماضي مضارع ou bien أمر. Le fi'l est quoi? L'أمر. لماذا؟ لأنه يدل على الطلب. On demande à cette personne-là qu'elle étudie. اطلب العلم. Et la deuxième alama qui nous montre que c'est un fi'l l'أمر, c'est que يقبل يا المخاطبة. C'est-à-dire qu'on peut dire مثلا اطلبي à une femme. اطلبي العلم. كذلك اطلبوا الى اخره. Donc il y a un tout fi'l الذي يدل على الطلب وقبل يا المخاطبة, qui peut accepter le يا المخاطبة. On va appeler ça quoi? On va appeler ça un fi'l amr. Le fi'l qui est amr. Et نعم من باب الفائدة. On a vu que le fi'l amr هو الفعل الذي دل على طلب وقبل يا المخاطبة مثل اطلب. إذا كان الكلمة, إذا كانت الكلمة تدل على طلب لكن لا تقبل يا المخاطبة, on appelle pas ça quoi? أمر. مثلا si jamais on dit مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. عليكم بسنتي. عليكم هنا c'est quoi? يدل على الطلب. أي معنى ذلك؟ ما معنى عليكم؟ أي التزموا. التزموا سنتي. التزموا c'est quoi? C'est un fi'l amr. C'est une demande, يعني de s'accrocher sur la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. لكن عليك il n'accepte pas يا المخاطبة. Donc ça peut pas être quoi? Un fi'l amr. Parce qu'il ne peut pas accepter يا المخاطبة. On ne dit pas عليكي avec بارتلو فيكم avec يا المخاطبة في الأخير. On ne trouve pas ça. هنا c'est, on appelle ça quoi? اسم فعل. تمام اسم فعل الذي يدل على الطلب. On appelle pas ça ايش فعل امر. Pourquoi? ولكن وان كان يدل على الطلب même si jamais il indique le sens de la demande, لكن il a pas l'autre alama. تمام il n'accepte pas l'autre alama par laquelle on fait de ce فعل là qu'il est quoi? Qu'il est امر. C'est à dire que ما يقبل الياء المخاطبة. تمام فالكلمة التي تدل على الطلب ولكن لا تقبل يا المخاطبة. On appelle ça quoi? اسم فعل. تمام اسم فعل. تمام اسم فعل. تمام هناك بعض الكلمات التي تقبل يا المخاطبة لكن لا تدل على الطلب. مثلا تفعلين. تمام تفعلين يقبل يا المخاطبة. تمام يا المخاطبة هنا سي الفاعل. تمام اللي مبني ليا في محل رفع فاعل لكن لا يدل على ايش؟ الطلب. فكل كلمة قبلت يا المخاطبة لكن لا تدل على طلب نسمى ذلك فعل مضارع. دوكو هيبت الفعل الأمر هو الذي يدل على الطلب وقبل يا المخاطبة. C'est celui qui indique le sens du طلب et qui accepte le يا المخاطبة. هذه كلمة تقبل يا المخاطبة لكن لا تدل على طلب. On appelle ça quoi? فعل المضارع. هذه كلمة تدل على الطلب لكن لا تقبل يا المخاطبة. On appelle ça quoi? اسم فعل. Donc on a trois catégories. Il faut que, pour qu'on puisse dire que ce فعل c'est un فعل أمر, لابد من شيئين. الأول أنه يدل على الطلب وأن الثاني أنه يقبل يا المخاطبة. مثلا أطلب أي أطلبي tu peux dire. Donc ça c'est quoi? C'est un فعل أمر. C'est un فعل أمر. هذا هو. قال رحمه الله تعالى الأفعال ثلاثة. قال ماض ومضارع وأمر نحو ضرب. Ça c'est pour le ماضي لأنه دل على حدث قبل زمن التكلم وقبل تأنيس الساكنة. تم l'action qui est dans ضرب elle est survenue avant qu'on parle dans le passé. Et تقبل يا plutôt تأنيس الساكنة ضربت. تم on peut dire ضربت. تم يضرب فعل مضارع لماذا؟ لأنه دل على حدث في إحدى الزمانين. تمام سواء في الحال وسواء في إيش المستقبل وقبل لم. تمام tu peux dire لم يضرب. Donc ça peut être quoi? Un فعل مضارع. تمام قال واضرب. واضرب c'est quoi? فعل أمر. لماذا؟ لأنه دل على طلب ويقبل يا المخاطبة. Tu peux dire quoi? اضربي. قال رحمه الله تعالى قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا. إنه دي الماضي يعني من حيث التكوين والبناء إلى مفتوح الآخر أبدا. أولا فصبح كوكوا الفعل الماضي إلى مبني. تم سن كلمة كوكوا مبنية أي أنها تلزم حالة واحدة بغير عامل. elle ne changera pas d'état et il n'y a pas de amil qui a fait qu'elle n'a pas changé d'état. Donc on appelle ça quoi mabni? Al fi'l al madi kulluhu mabni. Il est mabni en intégralité. Et il nous dit rahimahullah ta'ala, lorsqu'il est mabni, il est mabni ala al fatha. Maftouh al akhiri abadan, tout le temps. Tout le temps tu vas retrouver le fi'l mudari' plutôt le fi'l al madi. Lorsqu'il est mabni, il est mabni ala ash, il dit ala fatha. Ça c'est un madhhab. Ça c'est le madhhab de يعني الكوفيين الكوفيون يقول que le فعل الماضي il est مبني على ايش il est مبني على الفتحة ابدا tandis que اصحاب البصرة البصريون يقول que الفعل الماضي il peut être مبني على ايش الفتحة comme il peut être مبني على ايش السكون comme il peut être مبني على ايش الضمة. Pourquoi ils ont dit cela? Ils ont dit مثلا lorsque tu dis ضربت ضربت ضربت ضربنا. Dans ces quatre exemples que j'ai cités, le fi'l al-mudari' huna, le ba, il est avec une sakina. Darabtu, il n'est pas avec une fatha. On n'a pas dit darabtu. Darabtu. On a dit quoi? On a dit quoi? Darabtu. Comme on a dit darabti, darabta, darabna. Donc ils ont dit il est mabni bisukun. Pourquoi vous dites qu'il est mabni ala al-fatha? Kadhalika ils ont dit kadhalika avec nun al-niswa, darabna, darabna, yani hunna darabna. En parlant des femmes, mabni ala al-sukun, ma'ruf. On avait dit نون النسوة إذا اتصل بالفعل يبنى على السكون تام كذلك يظن دي avec le waw والجماعة تام ضربوا تام en parlant de l'action qu'on fait des hommes تام هم ضربوا ils ont dit le ba هنا على الضمة donc مبني على إيش الضمة تام شمت في الإعراب ضربوا فعل ماضي مبني على الضمة لاتصاله بواو الجماعة وهو في محل الرف فاعل يعني واو الجماعة في محل الرف مبني تام في محل الرف فاعل. Donc ils ont dit comment on peut dire que le fi'l al-madi est quoi? Il est maftouh al-akhiri abadan. Ils ont répondu à cela al-kufiyun en disant que na'am, al-fi'l al-madi il est maftouh al-akhiri abadan wa hadha huwa madhhabuna. Qalu kayfa tujibun bi mithli darabtu darabti darabta tam darabna darabna wa darabu tam il n'est pas maftouh bil il est pas maftouh al-akhir tam. Ils ont dit عندنا الفتحة تنقسم إلى قسمين فتحة ظاهرة وفتحة إيش مقدرة. Donc ils disent dans ضربوا si jamais tu fais l'arabe عند الكوفيين tu diras quoi? ضربوا فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة لكن هذا سيدي تكلف تام ولكن مقدرة على فتحة تام سيدي تكلف تام. C'est pour ça que le madhhab des koufiyoun dans ce cas-là il est ضعيف جدا تام. Le madhhab des basriyin il est أحسن parce qu'ils ont pris la kalima يعني d'avance, quand même. Et ils ont dit non, la fatha est muqaddara. كذلك ضربت. Ils ont dit la fatha est muqaddara. تام فعل الماضي مبني على الفتحة المقدرة. لا. مبني على السكون الظاهرة. تام ils disent, يعني, ils ont une règle, أصحاب النحا. Ils disent, lorsque tu es face à un i'rab dans lequel tu peux faire un i'rab بالظاهر et un i'rab بالتقدير, تقدم الظاهر. تام tu fais précéder l'i'rab qui est apparent. À l'arabe qui est sous-entendu, parce que c'est du tekallof. À partir du moment que tu peux éviter de faire tekallof, c'est ahsan. Même hatta, un nabi, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala, قد نهى نبيه بذلك فقال وما أنا من المتكلفين. Et je ne fais pas partie des متكلفين, c'est-à-dire des gens qui se mettent des charges, des difficultés, il y en a pour rien. Donc là, le mieux c'est de dire quoi? C'est-à-dire que le fi'l al-madi, قد يكون مبنيا على السكون إذا اتصل به إحدى المتحركة. Plutôt on va évoquer le fi'l al-madi, on va le conjuguer et vous allez voir يعني après lequel qui est مبني على السكون et celui qui est مبني على الضمة et celui qui est مبني على إيش على الفتحة. Donc on commence par quoi? On dit أنا ضربت. نحن ضربنا مبني على السكون. أنت ضربت مبني على السكون. أنت ضربت مبني على السكون. أنتما ضربتما مبني على السكون. أنتم ضربتم مبني على السكون. أنتن ضربتن كذلك مبني على السكون. هو ضرب مبني على الفتحة. هي ضربت مبني على الفتحة. تمام. هما en parlant ces deux hommes تمام هما ضربا مبني على الفتحة. هما pour deux femmes ضربتا. Tam, tu fais comme si jamais c'était darabat, sauf que tu rajoutes quoi? Le alif à la fin. Tam, et le t va devenir avec une haraka. Tam, huma darabata, en parlant de deux femmes, tam, Fatima ou Aisha, مثلا. Hum darabu mabni ala dhamma. tam wa hunna darabna wa hunna darabna. Donc là on peut voir que le fi'l al-mudari' comme on a pu le conjuguer, certains ils sont mabni ala sukun, certains ils sont mabni ala al-fatha, et certains plutôt il y en a qu'un qui est mabni ala al-dhamma, tam il y en a qu'un qui est mabni ala al-dhamma. Donc le fait de dire maftouh al-akhir abadan, même si jamais c'est un madhhab, tam on a pu voir ce madhhab là il est quoi, il est da'if, tam il est da'if, car on a pu voir dans la conjugaison que يختلف تام يختلف. قال رحمه الله تعالى قال والأمر مجزوم أبدا كذلك. Ça c'est une chose qui est quoi منتقد على المؤلف. Il dit que le أمر il est مجزوم أبدا, c'est à dire qu'il est مجزوم أبدا معروف. On a pu voir c'est quoi le مجزوم, c'est يعني تغيير مخصوص, نعم تغيير مخصوص في آخر الكلمة بالسكون أو ما ناب عنه بسبب عامل. Donc si jamais on dit que le amr il est majzoum abadan, c'est-à-dire qu'il est quoi, il est mu'arab. Comme on a pu le voir tamam, au début il nous a dit rahimahullah ta'ala alamat al-i'rab tam aqsam al-i'rab, il a dit arba'a al-raf'u al-nasbu al-khafdu wal-jazm. Donc la kalima dans laquelle on dit qu'elle est majzouma, c'est qu'elle est quoi, elle est mu'araba. Or ce n'est pas le cas, car le fi'l al-amr il est quoi, il est mabni kulluhu al-madi, comme le amr huma mabniyan, ils sont mabni. Ils sont mabni. Donc lui il a dit quoi, majzoumoun abadan. Tam kathalika, ça c'est un madhhab. Tam madhhab al-kufiyoun, plutôt madhhab al-kufiyin, et c'est un madhhab kathalika qui est da'if. Celui qui est connu, on dit quoi, al-fi'l al-amr huwa mabni ala ma yujzam alayhi fil mudari'. Al-fi'l al-amr huwa mabni ala ma yujzam bihi fil mudari'. Il sera mabni de la même sorte, on fait comme si jamais il était quoi, il était majzoum. Tam lorsqu'il est, il est majzoum, il sera mabni de la même sorte. Tam, مثلاً, si jamais je dis, parce que ma'rouf, il n'y a que trois. Tam, le fi'l al-amr, tam, c'est soit tu dis, yani, مثلاً, idrib. Tam, idrib ay anta. Tam, idrib anta. Ou tu dis, idribi ay anti. Tam, ou مثلاً, on parlera de deux hommes. Tam, idriba, idriba, deux femmes. Idribata, tam, des hommes, tam, idribou, des femmes, idribna, tam, idribna. Donc là, il sera mabni ala ma yurizam alayhi fil mudari'. C'est-à-dire, si jamais, comme on a pu le voir dans alamat al-jazm, si le fi'l al-mudari', mathalan, daraba, plutôt yadribou, tam, c'est un fi'l mudari', tam. Si jamais ce fi'l amr là, tam, le fi'l qu'on veut conjuguer dans l'amr, si jamais il fait partie des fi'ls qui sont quoi, qui sont sahih al-akhir wa lam yattasil bi akhirihi shay, il sera quoi, il sera mabni ala as-sukun. Tam anta idrib mabni ala as-sukun. Pourquoi? Parce que dans le mudari' kadhalika, lorsqu'il est majzoum, il est majzoum bis-sukun. Lam tadrib, tam lam tadrib ma'ruf, yani pour faire le amr il faut prendre le mudari', tam tu enlèves harf al-mudari' la première lettre et ensuite tu mets une sukun sur la fin. Tam en fait yani une sukun pour celui qui est sahih al-akhir. Tam si jamais mathalan il est mu'tal al-akhir, tam il est mu'tal al-akhir, mathalan le verbe naam, le verbe da'a, tam le verbe da'a, da'a si jamais on veut le mettre au amr, tamam, ça sera quoi pour dire anta, yani ud'u, tu diras quoi, ud'u, et tu vas enlever le waw, ud'u kadhalika mathalan tad'u anta, tam anta tad'u. Si jamais il est majzoum, ça va faire quoi? Lam tad'u. Comme on a pu le voir. Si jamais le fi'l al-mudari' il est mu'tal al-akhir, il a une lettre malade à la fin, comme c'est le cas, tad'u, le waw c'est une lettre malade. Si on rentre en jazim, il sera majzoum bi harf al-illa. Il sera majzoum avec la suppression du harf al-illa. Donc comme c'est le cas ici, lam yad'u, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus le waw. Le fi'l al-amr, c'est simple. Comment tu fais pour former le fi'l al-amr? Tu enlèves harf al-mudari', on va le voir inshallah, ce ta. Tu l'enlèves le ta. Donc là, le fi'l après sera quoi? Avec le dal et le ha, tam le dal avec une sukun. On ne peut pas commencer une lettre par une sukun. Donc on est obligé de ramener quoi? Hamzat al-wasl, afin de pouvoir commencer la jumla. Ça c'est un des... des wadif, c'est l'un des emplois de la hamzatul wasl, c'est-à-dire la tête à commencer un mot qui en vérité est là quoi, au début une sakina, comme c'est le cas ici. Si on enlève le ta de ru dans le deuxième tam, lam ta de ru, on tient pas compte de lam tam, le ta on enlève, le dal il avait quoi une seconde. On peut pas commencer d'ou comme ça, on peut pas commencer comme ça. Donc on est obligé de mettre quoi? Hamzatul wasl, tam. Et ensuite le ayn, tam. Ça fera quoi? Ud'u. Donc il est mabni, tam. Il est mabni ud'u ala ma yudzam alayhi fil mudari'. Il sera mabni de la même sorte qu'il est majzum fil mudari', tam. On dit cela. Lorsque tu veux donner par rapport au fi'l amr, tam. Comment il est mabni, tam. Au lieu de dire qu'il est, soit il peut être mabni à la sukun, ou il peut être mabni à la harf al-nun, ou bien mabni à la harf al-illa, tu viens avec une kalima qui est simple, tu dis quoi? Il sera mabni à la ma yudzam alayhi fil mudari', tam. Troisième exemple, مثلاً الأفعال الأمثلة الخمسة. Comment on peut le voir, tam? يفعلان تفعلان تفعلين يفعلون تفعلون الأمثلة الخمسة. Tam. Si jamais, مثلاً, je veux donner un ordre, tam, à une femme, tam, à une femme, en disant, مثلاً, أطبخي, tam, tam, أطبخي. Là, comme vous pouvez le voir, à la base, يعني الفعل المضارع. Si on veut prendre le فعل المضارع, on dira quoi? لم تطبخي, tam, لم تطبخي, tam, لم تطبخي. À la base, c'est quoi? تطبخينا, tam, تطبخينا. Lakin, لم il est rentré. لم, on a pu le voir, c'est quoi? حرف الجازم. Il fait partie des jawazim, des choses qui vont nous rendre majzoum. Donc, si le majzoum, maintenant, si on fait l'i'rab de tatbukhi, on va dire quoi? Faire le mudari' mabni. Ou plutôt faire le mudari' majzoum bilam. Wa alamatu jazmihi hatfunum, comme on a pu le voir. Parce qu'il fait partie des amthal al-khamsa. Donc là, otbukhi, tam, si je veux donner le fi'l al-amr, kadhalika, tam, huna, il sera mabni, tam, il sera mabni comme il est majzoum. Dans quoi? Dans le mudari'. Tam, on regarde son mudari', tam, si jamais il est mabni, على السكون il sera mabni على السكون. Ça me fait partie des fi'al al-sahih al-akhir. Si jamais il est majzoum ala hadf harf al-illa, كذلك il sera quoi? Mabni ala hadf harf al-illa. Pourquoi? Parce que fi'l mudari' c'est comme ça, tam. Fi'l mudari' tam c'est comme ça. كذلك si jamais dans le mudari' on voit qu'il est majzoum, tam, ala al-hadf al-nun, كذلك fi'l amr, on dira quoi? Il est mabni, tam, il est mabni ala حفظ النون بس كيف بعطي ده أمثلة الخمسة. دك المؤلف رحمه الله تعالى إلى ديكوا الأمر مجزوم أبدا. تام مجزوم أبدا. ça c'est pas صحيح. تام. on dit quoi? الأمر مبني على ما يجزم عليه في المضارع. تام. في المضارع. عليكم السلام. تام. دك لا lorsqu'il a dit الأمر مبني مجزوم أبدا. تام. ça c'est il faut le corriger. تام. c'est pas vrai. تام. parce que si on dit il est مجزوم, c'est-à-dire qu'il est quoi? C'est-à-dire qu'il est mu'arab. Et s'il est mu'arab, c'est-à-dire qu'il y a un hamil. Et on ne connaît pas le hamil qui l'a rendu majzoum, tam. Donc il est mabni, tam. As-sahih, il est mabni, tam. On poursuit, inshallah. قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت. Et dès le مضارع, comme on a pu l'évoquer, ما دل على حدث إما في زمان الحال وإما في زمان المستقبل. Il nous dit ما كان في, يعني من العلامات التي نعم يتميز بها الفعل المضارع عن غيره ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعده قال ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع. Il nous dit c'est quoi le fi'l al-mudari'. Comment on fait pour le connaître après la définition qu'on a donné? Tam. Il nous dit le fi'l al-mudari' ما كان في أوله إحدى الزوائد. Tam. Il faut qu'il a au début des lettres qu'on va lui rajouter. Tam. Des lettres qu'on va rajouter. Tam. Au ماضي. Tam. مثلا ضرب. Si jamais je le rends dans le mudari', je vais dire quoi? Yadribu. Donc j'ai rajouté quoi? Naam. J'ai rajouté quoi? J'ai rajouté un ya ici. Tam. J'ai rajouté ici un ya. Tam. Il nous dit ces lettres-là qu'on rajoute au mudari', ils sont au nombre de 4. Tam. On les appelle al-zawaid al-arba'. Tam. Parce qu'ils sont au nombre de 4. Et il a dit ces 4 lettres-là, yajma'u qawluka anaytu. Tam. Anaytu, le alif, le nun, le ya et le ta. Tam. Lorsque tu vas trouver une de ces quatre lettres-là qui a été ajoutée au fi'l, tam, ça c'est une alama qui te montre que le fi'l il est quoi? Mudari'. Tam. Lakin, la meilleure des alama pour reconnaître le fi'l le mudari', c'est comme on a pu expliquer. Tam. C'est celui qui yadoul ala un hadath soit dans le hal ou bien soit dans le mustaqbal et qui accepte le lam. Tam. Lam al-jazima. Ça c'est la meilleure des alama pour reconnaître le fi'l le mudari'. Si jamais lam il rentre dans le fi'l, ça peut être qu'un fi'l quoi, mudari', tam. Amma c'est là qu'il a donné, c'est pas trop évident de mayez yani le fi'l mudari' an ghayrihi, tam. Donc anaytu c'est des alama en plus pour reconnaître quoi, le fi'l mudari'. Donc maintenant, si jamais tu vois ces quatre lettres-là, ou l'une de ces quatre lettres-là plutôt, dans, au début de l'âme d'affaire, qui est en ajout, tam, ça te guide tam, sur la voie que c'est un fer mudara. Maintenant, adribu. Tam, adribu, il a été rajouté, parce qu'à la base, c'est quoi daraba? Tam, daraba, adribu, ay, ana. Tam, le alif, il a été rajouté. Tam, darabana, je vais le ramener dans le mudara, je dirai quoi? Nadribu. Tam, le ta. Ou plutôt, il a évoqué l'ia avant cela. تمام ضرب يضرب هو تمام او يضربون الى اخره تمام ويضربنا pour la femme و le temps مثلا تضرب تمام ضربت تضرب تمام كذلك تضربين الى اخره تمام donc là ces quatre lettres là ils ont été ajoutés au quoi au fi'l à la base parce que c'est quoi c'est un fi'l solati ضرب ça c'est la racine. Et ce qui est en ajout, on appelle pas, il ne fait pas partie de la racine du fi'l al-mudara, laquelle c'est des ajouts. Hein. On appelle ces quatre lettres-là, comme il a dit, al-zawaid al-arba. Ils ont deux appellations, soit al-zawaid al-arba, et celui qui est plus propagé, عند النحاه, la siyama fi hada zaman, c'est quoi, on appelle ça حروف المضارعة. حروف المضارعة. حروف parce que c'est des حروف. مضارعة parce qu'ils sont utilisés pour faire les mudara. On ne se retrouve pas dans le mardi et kadalika dans le amr, tam. Ils ne peuvent être qu'au début du fi'l, tam. Ces quatre lettres-là qu'on appelle huruf al-mudara'a ou al-zawaid al-arba. Le alif, lorsqu'on va le ramener dans le fi'l al-mudara', tam, c'est pour ramener ma'ana al-takallum, tam, le locuteur, la locution. Ana, tam. Tam, si jamais tu ramènes le alif, tam, mathalan, adribu, c'est pour ana, tam. C'est pas l'alif qui est le fa'il, tam. Le alif, c'est quoi? C'est un harf qui est utilisé pour takallum fi al-mudari', tam. Pour dire que celui qui est en train de faire l'action, tam, c'est ana. Tam. Amma al-fa'il, si on fait l'i'rab, mathalan, adribu, tam, adribu al-kura, tam, adribu al-kura. Si jamais on fait l'i'rab, on dira quoi? Adribu fi'alun mudari', marfou'. On va voir par quoi il est marfou', inshallah, ça va venir, tam, juste après. Fi'alun mudari', marfou'. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره تمام وفاعله ضمير مستتير وجوبا son ضمير plutôt son فاعل c'est un ضمير c'est un pronom qui est مستتير qui est caché وجوبا il ne peut pas apparaître تمام il est obligé d'être caché تمام وتقديره اش انا تمام والكرة مفعول به تمام ça va venir inshallah ce genre d'arabe là تمام donc le فاعل c'est pas l'alif تمام c'est pas l'alif qui est au début du mot تمام plutôt du فعل. C'est le damir qui est quoi? Moustatir, qui est sous-entendu, qui est caché. Pas sous-entendu, lakin qui est caché. Hein? Donc celui-là, le alif, c'est pourquoi? At-takallum, pour ana. Le nun, c'est pourquoi? Kadalika, at-takallum, lakin il-jam'a. L'il-jam'a. Mathalan, tu dis, nadribu, ay, nahnu. On est plusieurs, trois ou plus. Lakin il-mutakallim, ils sont en train de parler. Kadalika pour la locution. Lakin pour le pluriel. C'est le pluriel, si on veut dire, de ana. Donc on dira quoi? Nahnu, tam, nahnu plutôt nadribu. Nadribu ay nahnu, tam. Et kadalika ça peut être utilisé quoi? Pour une seule personne. Comme fi qawli subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra. Allah azza wa jalla il a dit quoi? Inna nahnu, c'est nous qui avons fait descendre le dhikr, tam. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wa inna lahu lahafidhun. Pourtant Allah azza wa jalla, ma'ruf, qul huwallahu ahad, il est unique. Donc il a utilisé quoi هنا? Nazzalna. C'est Allah subhanahu wa ta'ala unique. Lakin ce nun là, comme ils appellent ça, c'est nun al-hazama. C'est afin d'immensifier sa personne là. Hatta yani dans la langue française, on utilise ce genre de d'expression. Tu dis, mathalan, nous avons fait cela, et il est tout seul. Mathalan, le président, nous avons, il parle pour le peuple, nous avons, il n'a rien fait. C'est min bab yani al-ta'zim, min bab al-ta'zim. Allah subhanahu wa ta'ala yu'azzim nafsahu. La personne, kadalika, ce n'est pas interdit. Pour une personne, laquine c'est mieux de laisser cela. Kadalika, si jamais il veut parler, se faire porte-parole, il y en a d'autres personnes. Il est tout seul, laquine il se présente comme porte-parole des autres. Mathalan, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nahnu ma'shar al-anbiya. Là, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé tout seul, enfin il était tout seul, laquine il parle au nom des anbiya. Donc tu peux l'utiliser pour le pluriel. Nahnu, on est plusieurs, on est trois, on est en train de parler. Nahnu natlub al-ilm. كذلك بغن برسان التي يعظم أو بيت نعم الذي يعظم نفسه كما في قوله سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا ذكرى وإن له لحافظون أو بيان أو نو دوتر برسان tu es le porte-parole كما في قوله النبي صلى الله عليه وسلم إن نحن معشر Al-Anbiya. Donc le nun, c'est pourquoi At-Takallum. Pour Takallum, l'il-Jam. Al-Asr, c'est fil-Jam, lakin, comme on a pu le voir, tu peux l'utiliser pour d'autres choses. Le Ya, il est utilisé pourquoi Lil-Ra'ib. Lil-Ra'ib, sawa akana. Pour le Mufarad, le Jam, ou bien quoi Al-Muthanna. Al-Mufarad, mathalan, yadribu. Ça, c'est pour le Mufarad. Ay, huwa. Il frappe, yadribu, huwa. Ça peut être utilisé pour quoi le duel. Yadribani. Huma, yadribani. C'est pour le duel. Ou bien ça peut être utilisé pour quoi le pluriel. Yadribu. Yadribuna, plutôt. Yadribuna, pour le pluriel. Kadalika, pour le pluriel féminin. Yadribna. Yadribna. Donc le ya, il est utilisé pour quoi Lil-Ra'ib. Il est utilisé, Lil-Ra'ib, pour la personne qui n'est. Nam, qui n'est pas présent, ou bien que toi tu parles pour cette personne-là. Yadrib huwa. Il n'est pas présent. Ou bien il est présent, lakin tu parles en, tu parles pour lui. Il est présent, tu dis هذا مثلا يطلب العلم. Et la personne elle est présente. Elle peut être présente comme elle peut pas être présente. Donc le ta celui-là c'est pour al khitab, pour le discours. سواء كان للمفرد أو كذلك المثنى ou bien الجمع. مثلا tu dis تضرب تضرب أي أنت. أنت تضرب كذلك نعم pour anti. Anti tadribina. On a rentré le ta هنا. Et là, c'est pour le féminin. Tu peux utiliser kadalika pour le musanna. Tadribani. En parlant de deux personnes. Kadalika lil jam'. Tadribuna. Tadribuna. Tu peux utiliser pour le jam'. Kadalika lil jam'. Pour le nisa. Tu diras tadribna. Antunna tadribna. Kadalika. On a pu le voir. Là, c'est le discours. Lorsque tu dis tadrib, yadribani, tadribuna, yadribna, tadribna. Là, c'est un discours qui est fait à une personne. Qui a des personnes ou bien une personne qui est en face de toi. Et kadhalika, dans un cas, il est utilisé l'il-ra'ib, ou plutôt l'il-ra'iba, pour la femme qui n'est pas présente, ou bien qui est présente, et toi tu parles en son nom. Maintenant tu diras quoi? Tadribu. Yani hiya. Hiya. Lorsque tu dis tadribu, ça peut être bima'na anta. Anta tadribu. Et tu peux dire aussi kadhalika, tadribu, ay hiya. Tadribu, ay hiya, tadribu. Donc attention, lorsqu'on utilise tadribu, ça peut être comme pour le féminin et ça peut être utilisé kadalika pour le al-mukhatab, celui à qui tu vas faire un discours qui est quoi du genre masculin. Donc ça c'est quoi al-huruf al-mudara'a. Ils apportent ce sens-là, soit du takallum, de la locution, soit marqulofi comme l'il-ra'ib, la personne qui n'est pas présente, ou bien al-khitab. Ça c'est huruf al-mudara'a. Il a dit quoi rahimahullah ta'ala ba'da? Qala huwa marfu'un abada. Il nous dit quoi? الفعل المضارع إلى مرفوع أبدا. قال حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. Il est tout le temps مرفوع jusqu'à ce que tu vas trouver un عامل qui va le rendre soit منصوب qu'on appelle ناصب ou bien un عامل qui va le rendre مجزوم qu'on appelle ça جازم. Donc il est مرفوع jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce que tu trouves un عامل qui va lui changer son إعراب. مثلا si je dis أطلب العلم يوميا. On va se concentrer sur أطلبو. أطلبو, tu diras quoi? فعل مضارع. مرفوع. Comme on a pu le voir, si le مرفوع, c'est que forcément il a quoi? Il a un عامل. Comme on a pu le voir dans la définition des Arabes, il a dit quoi? هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها. Donc il y a un عامل qui est entré. Il y a un hamil qui a fait qu'il est marfou. C'est quoi le hamil? Si jamais tu cherches, généralement le hamil c'est une chose qui est évoquée avant la chose qui a subi l'action. On regarde, on a commencé la phrase biyesh, bi adribu. Donc il est le hamil, comme on a pu le voir. Al hamil yanqasimu ila qismayn. Hamil lafzi, qui est prononcé, qui est voyant. Tam, qui est prononcé, qui est voyant. Mathalan, len. أطلب العلم عند مبتدع إن شاء الله لن أطلب. هنا il est devenu منصوب parce qu'il y a لن qui est rentré. C'est un عامل qui l'a rendu منصوب. On prend مثلا أضرب. هنا أضرب il est مرفوع. S'il est مرفوع c'est qu'il y a un عامل. Et on a pu voir il y a d'autres sortes de عامل qui sont quoi? Qui sont معنوي, qui sont abstraits, qui ne sont pas évoqués, qui sont معنوي. هنا le عامل dans le فعل المضارع qui est marfou, c'est quoi? C'est un عامل qui est معنوي. Et c'est quoi son عامل? Il dit c'est quoi? C'est l'ابتداء. Ou non, afan c'est plutôt at-tajarrud min an-nasib wal-jazim. Si jamais tu fais l'arabe, tu diras quoi? Adribu, ou si j'avais dit quoi? Atlub al-ilm, atlubu al-ilma yawmiyan, tu diras atlubu fi'l mudari'. Marfou', si le marfou' ya amin. Marfou' biyesh, marfou'un bitajarrudihi an-nasib wa al-jazim. Il est marfou', pourquoi? Parce qu'il est dénudé de tout amil qui va le rendre soit mansoub ou bien qui va le rendre quoi? Majuzoum. Donc on dira cela. Marfou' bi marfou' li tajarrudihi 'ani an-nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi ad-damma adh-dhahira fi akhirih. Donc ça c'est l'i'rab du fi'l mudari'. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Il est marfou' abadan. Il est marfou' biyash bi tajarrud an-nasib wal jazim. Même معنى هذا c'est qu'il est dénudé de tout amil qui va le rendre quoi? Soit mansoub ou bien soit majuzoum, si un des deux amil d'awamil soit mansoub le nasib ou bien jazim, il va rentrer dedans. Ben, يعني, soit il sera mansoub, soit il sera majuzoum, soit il sera majuzoum. Donc inshallah on va se contenter de cela, et ensuite il va évoquer rahimahullah ta'ala an-nawasib, les amil qui va rendre mansoub et kadhalika al-jawazim. Lakin ça demande une autre assise qui aura lieu inshallah ta'ala le jeudi à venir à 3h30 heure de France inshallah ta'ala. Donc inshallah on se quitte sur cela. Ceux qui ont des questions inshallah ils les gardent pour jeudi, ou bien ils les envoient sur l'adresse du mail demajfr.net@gmail.com, parce que il faut que je parte vite fin, j'ai un rendez-vous ta'ala inshallah. Donc on se quitte sur cela en espérant inshallah que le cours a été compris, et Allah musta'an par rapport aux coupures inshallah, en espérant qu'il a été clair inshallah ta'ala. Wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana wa iyyakum bima sami'na وأن ينفعنا بما نعم تعلمنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإياكم, ونسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظكم. نعم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين, لا تركن إليهم, هؤلاء ثعابين.